Au sport. Dans la Ligue de soccer benjamin masculine division 2, Louis-Saint-Laurent rencontre le Mont-Sainte-Anne à François-de-la-Place le 8 avril à 18 h.